devenez spécialiste des BD avec Iris et Caton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Ed, ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée « Rencontre » dans laquelle Catherine Ousselot dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revueplanche.com ou en librairie dès maintenant. 89.1 Ce grand froid qui me traverse, pointe de glace qui me transperce l'hiver. Le temps paraît plus long, il ralentit le temps d'une saison. Journée de grand froid qui s'annonce, où je vais même jusqu'à croire à la fin du monde. Paysage immaculé, les grands arbres dénudés, racines bien agrippées dans le sol jusqu'à l'été. On raconte